La cité de Dieu de Saint Augustin, livre 13e, de la mort. Saint Augustin s'attache à établir dans ce livre que la mort est pour les hommes une punition et une suite du péché d'Adam. Tome 3e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Markemdanarchive.org 2019. D'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 1er. De la chute du premier homme et de la mort qui en a été la suite. Sorti de ces épineuses questions de l'origine des choses temporelles et de la naissance du genre humain, l'ordre que nous nous sommes prescrits demande que nous parlions maintenant de la chute du premier homme, ou plutôt des premiers hommes, et de la mort qui l'a suivi. Dieu, en effet, n'avait pas placé les hommes dans la même condition que les anges, c'est-à-dire de telle sorte qu'ils ne pussent pas mourir, même en devenant pécheurs. Il les avait créés pour passer sans mourir à la félicité éternelle des anges, s'ils fussent demeurés dans l'obéissance, ou pour tomber dans la peine très juste de la mort, s'ils venaient à désobéir. Chapitre 2. De la mort de l'âme et de celle du corps. Mais il me semble qu'il est à propos d'approfondir un peu davantage la nature de la mort. L'âme humaine, quoique immortelle, a néanmoins en quelque façon une mort qui lui est propre. En effet, on ne l'appelle immortelle que parce qu'elle ne cesse jamais de vivre et de sentir, au lieu que le corps est mortel, parce qu'il peut être entièrement privé de vie et qu'il ne vit point par lui-même. La mort de l'âme arrive donc quand Dieu l'abandonne, comme celle du corps quand l'âme le quitte. Et quand l'âme abandonnée de Dieu abandonne le corps, c'est alors la mort de l'homme tout entier, Dieu n'étant plus la vie de l'âme, ni l'âme la vie du corps. Or, cette mort de l'homme tout entier est suivie d'une autre que la Sainte Écriture nomme la seconde mort, et c'est celle dont veut parler le Sauveur lorsqu'il dit « Craignez celui qui peut faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne de feu. » Matthieu 10, 28. Comme cette menace ne peut avoir son effet qu'au temps où l'âme sera tellement unie au corps qu'ils feront un tout indissoluble, on peut trouver étrange que l'Écriture dise que le corps périt, puisque l'âme ne le quitte point et qu'il reste sensible pour être éternellement tourmenté. Qu'on dise que l'âme meurt dans ce dernier éternel supplice dont nous parlerons plus amplement ailleurs, voyez les livres 20, 21 et 22. Cela s'entend fort bien, puisqu'elle ne vit plus de Dieu. Mais comment le dire du corps, lorsqu'il est vivant? Et il faut bien qu'il le soit pour sentir les tourments qu'il souffrira après la résurrection. Serait-ce que la vie, quelle qu'elle soit, étant un bien, et la douleur un mal, on peut dire qu'un corps ne vit plus, lorsque l'âme ne l'anime que pour le faire souffrir? L'âme vit donc de Dieu, quand elle vit bien, car elle ne peut bien vivre qu'en tant que Dieu opère en elle ce qui est bien. Et quant au corps, il est vivant, lorsque l'âme l'anime, qu'elle vive de Dieu ou non. Car les méchants ne vivent pas de la vie de l'âme, mais de celle du corps, que l'âme lui communique. Et encore que celle-ci soit morte, c'est-à-dire abandonnée de Dieu, elle conserve une espèce de vie qui lui est propre et qu'elle ne perd jamais, d'où vient qu'on la nomme immortelle. Mais en la dernière condamnation, bien que l'homme ne laisse pas de sentir, toutefois, comme ce sentiment ne sera pas agréable, mais douloureux, ce n'est pas sans raison que l'Écriture l'appelle plutôt une mort qu'une vie. Elle l'appelle la seconde mort, parce qu'elle arrivera après cette première mort qui sépare l'âme, soit de Dieu, soit du corps. On peut donc dire de la première mort du corps, qu'elle est bonne pour les bons et mauvaise pour les méchants, et de la seconde, que, comme elle n'est pas pour les bons, Elle ne peut être bonne pour personne. Chapitre 3. Si la mort qui a suivi le péché des premiers hommes et s'est étendue à toute leur race et pour les justes eux-mêmes une peine du péché. Ici se présente une question qu'il ne faut pas éluder, cette mort, qui consiste dans la séparation du corps et de l'âme, est-elle un bien pour les bons, et, s'il en est ainsi, comment y voir une peine du péché, car enfin, sans le péché, les hommes ne l'auraient point subi. Comment donc serait-elle bonne pour les bons, n'ayant pu arriver qu'à des méchants? Et d'un autre côté, si elle ne pouvait arriver qu'à des méchants, les bons n'y devraient point être sujets. Pourquoi une peine où il n'y a rien à punir? Si l'on veut sortir de cette difficulté, il faut avouer que les premiers hommes avaient été créés pour ne subir aucun genre de mort, s'ils ne péchaient point, mais qu'ayant péché, ils ont été condamnés à une mort qui s'est étendue à toute leur race. Mortels, ils ne pouvaient engendrer que des mortels, et leur crime a tellement corrompu la nature que la mort, qui n'était pour eux qu'une punition, est devenue une condition naturelle pour leurs enfants. En effet, un homme ne naît pas d'un autre homme de la même manière que le premier homme est né de la poussière. La poussière n'a été pour former l'homme primitif que le principe matériel, au lieu que le père est pour le fils le principe générateur. Aussi bien, la chair est d'une autre nature que la terre, quoiqu'elle en ait été tirée, mais un fils n'est point d'une autre nature que son père. Tout le genre humain était donc renfermé par la femme dans le couple primitif au moment où il reçut de Dieu l'arrêt de sa condamnation. Devenu pécheur et mortel, l'homme a engendré un homme mortel et pécheur comme lui avec cette différence que le premier homme ne fut pas réduit à cette stupidité ni à cette faiblesse de corps et d'esprit que nous voyons dans les enfants. Car Dieu a voulu que leur entrée dans la vie fût semblable à celle des bêtes. L'homme, dit le prophète, quand il était en honneur, n'a pas su comprendre, il est tombé dans la condition des bêtes brutes et leur est devenu semblable. Psaume 48, 13. Il y a plus. Les hommes, en venant au monde, ont encore moins d'usage de leurs membres et moins de sentiments que les bêtes, comme si l'énergie humaine, pareille à la flèche qui sort de l'arc tendu, s'élançait au-dessus du reste des animaux avec d'autant plus de force que, plus longtemps ramenée sur soi, elle a plus contenu son essor. Le premier homme n'est donc pas tombé par l'effet de son crime dans cet état de faiblesse où naissent les enfants, mais la nature humaine a été tellement viciée et changée en lui qu'il a senti dans ses membres la révolte de la concupiscence, et qu'étant devenu sujet à la mort, il a engendré des hommes semblables à lui, c'est-à-dire sujets à la mort et au péché. Quand les enfants sont délivrés de ces liens du péché par la grâce du médiateur, ils souffrent seulement cette mort qui sépare l'âme du corps, et ils sont affranchis de cette seconde mort où l'âme doit endurer des supplices éternels. Note. Voir également de saint Augustin le traité, du mérite et de la rémission des péchés et du baptême des petits-enfants. Extrait. Livre 1er, La mort vient du péché. Chapitre 36. Ignorance de la première enfance, cause de ce fait. Appréciation. Oui, les ténèbres étranges de cette âme très certainement raisonnables, cette nuit dans laquelle les petits-enfants, loin de connaître Dieu, luttent contre ses sacrements à l'heure même où ils reçoivent le baptême. Pour quelle raison et à quelle date, je le demande, ont-ils été plongés dans ces ténèbres? Faut-il dire où qu'ils y sont tombés ici-bas par leur faute? Et qu'ils ont oublié Dieu dans leur vie personnelle même et par une négligence criminelle, ou bien au contraire que, jusque dans le sein de leur mère, Ils ont vécu avec une sainte connaissance et une vraie religion. Le dit ce qu'il ose, l'entend de qui veut, le croit qui peut. Quant à moi, je pense que ces deux sentiments sont insoutenables pour quiconque n'a pas l'esprit aveuglé par l'entêtement à défendre son opinion. Par contre, dirons-nous que l'ignorance ne soit point un mal, et par suite qu'on ne doive point le guérir? Mais que signifie cette parole de l'Écriture? Oubliez, mon Dieu, mes fautes de jeunesse et mon ignorance, Psaume 24, 7. Certainement les péchés commis en connaissance de cause sont plus condamnables, mais enfin, s'il n'y avait point de péché d'ignorance, nous ne lirions pas le texte que je viens de citer. Oubliez, mon Dieu, mes fautes de jeunesse et mon ignorance. Ainsi, qu'on me réponde, au sein de ces ténèbres si épaisses de l'ignorance, l'âme de l'enfant nouveau-né, âme humaine bien certainement, âme douée de raison, n'est pas seulement ensevelie sans aucune connaissance, mais dans l'incapacité même de rien apprendre. Pourquoi donc, à quelle date, de quel lieu est-elle ainsi tombée dans la nuit? S'il est dans la nature de l'homme de commencer ainsi, pourquoi Adam n'a-t-il pas été ainsi créé? Pourquoi était-il, dès son premier jour, en état de recevoir un commandement et capable de donner des noms convenables à son épouse et à tous les animaux? À l'une il disait, « Celle-ci s'appellera la femme », et, ajoute le texte sacré, tous les noms qu'Adam imposa aux créatures vivantes sont bien leurs noms. Genèse 2, 23, 19. Le nouveau-né, au contraire, ne sait où il est ni ce qu'il est, il ne sait quel est son créateur ni quels sont ses parents, déjà entachés de péché, bien qu'incapable de recevoir un précepte, enveloppé et accablé dans les noires profondeurs de l'ignorance, à tel point qu'on ne peut l'éveiller comme d'un sommeil pour lui montrer du moins ces choses et lui en donner connaissance? Non, mais il faut attendre le temps pour qu'il digère enfin lentement cette espèce d'ineffable ivresse qui ne dure pas, comme l'ivresse grave, l'espace d'une nuit, mais durant de longs mois et pendant plusieurs années, et jusqu'à ce terme éloigné, l'effet qu'on punit dans les grands, dans les enfants on les tolère, et si souvent, qu'on ne pourrait aucunement les compter. Je le demande, ce mal si grand de l'ignorance et de la faiblesse première, supposez que les enfants l'aient contracté depuis leur naissance, dites-vous, quand et comment ils ont commis en effet quelque impiété bien grave qui leur a valu d'être ensevelis tout à coup en de pareilles ténèbres. Chapitre 37. Du même traité, inclus dans la controverse avec les Pélagiens sur le site abbaye-saint-benoît.ch. Puisqu'Adam n'a pas été créé tel que nous sommes en naissant, pourquoi Jésus-Christ, bien qu'exempt de péché, est-il né dans l'état d'enfance et de faiblesse? Mais, dira-t-on, si notre nature actuelle n'est pas pure, s'il faut y accuser un vice d'origine par la raison qu'Adam n'a pas été créé dans les mêmes conditions que nous, comment expliquer la naissance de Jésus-Christ se révélant au monde dans ce même bas âge, dans ce même état de faiblesse? Il était pourtant, avouez-le, incomparablement excellent, et son enfantement du sein d'une vierge fut certainement sans aucun péché. Nous répondons à cette objection. Adam n'a pas été créé tel que naissent les hommes après lui, par la raison que le péché d'un père ne l'ayant pas précédé en ce monde, il n'a pas été créé dans une chair de péché. Pour nous, au contraire, notre condition dès le berceau s'explique par ce motif que son péché nous précédait que nous naissons dans une chair de péché. Quant à Jésus-Christ, lui aussi vient au monde, semblable à nous, parce qu'il est né dans la ressemblance de notre chair de péché, pour condamner ainsi le péché par le péché même. Au reste, Nous ne parlons pas ici d'Adam sous le rapport de sa taille physique. Nous ne remarquons pas que, loin d'avoir été créé petit enfant, il a joui immédiatement de toute la force de membres parfaits. On pourrait nous opposer que les animaux sont créés aussi avec la condition de se reproduire par des êtres tout petits à leur naissance, sans que cela soit venu de leur péché. Non, nous n'envisageons pas ainsi la question pour le moment, mais il s'agit de l'âme du premier homme, de ce privilège qu'elle a eu, de cet usage de la raison qui la rendait capable de comprendre aisément le précepte de Dieu et la loi de son commandement, et de pouvoir facilement y obéir, si elle l'eût voulu. Actuellement, au contraire, l'homme vient au monde avec une impuissance absolue en cet endroit, et il faut en accuser l'affreuse ignorance et infirmité, non de sa chair, mais de son esprit. Car, il faut bien l'avouer, l'âme raisonnable d'un petit enfant n'est pas d'une substance différente, elle est substantiellement la même que celle d'Adam. Et cependant, telle est en nous l'infirmité de la chair, qu'elle suffit, selon moi, à démontrer je ne sais quel mystérieux châtiment. Elle prête, il est vrai, à cette question. Si le premier couple humain n'avait pas péché, en serait-il sorti des enfants hors d'état de se servir de leur langue, de leurs mains et de leurs pieds? La capacité étroite du sein maternel aurait sans doute exigé qu'en effet les enfants vinssent au monde tout petits. Mais aussi, l'on répondrait qu'avec une seule côte, faible partie dans le corps humain, Dieu n'a pas voulu cependant créer au premier époux une épouse de taille enfantine, mais il en construisit une femme véritable. La toute-puissance de Dieu pouvait donc aussi, pour les enfants d'Adam, les faire grandir tout d'un coup, aussitôt après leur naissance. Fin de l'extrait. Chapitre 4. Pourquoi ceux qui sont absous du péché par le baptême sont encore sujets à la mort, qui est la peine du péché? On dira, si la mort est la peine du péché, pourquoi ceux dont le péché est effacé par le baptême sont-ils également sujets à la mort? C'est une question que nous avons déjà discutée et résolue dans notre ouvrage du baptême des enfants, cité plus haut, où nous avons dit que la séparation de l'âme et du corps est une épreuve à laquelle l'âme reste encore soumise, quoique libre du lien du péché, parce que, si le corps devenait immortel aussitôt après le baptême, la foi en serait affaiblie. Or, la foi n'est vraiment la foi que quand on attend dans l'espérance ce qu'on ne voit pas encore dans la réalité, c'est elle qui, dans les temps passés du moins, élever les âmes au-dessus de la crainte de la mort. Témoin c'est saint martyr en qui la foi n'aurait pu remporter tant d'illustres victoires sur la mort, s'il avait été immortel. D'ailleurs, qui n'accourrait au baptême avec les petits-enfants, si le baptême délivrait de la mort? Tant s'en faut donc que la foi fût éprouvée par la promesse des récompenses invisibles, qu'il n'y aurait pas de foi, puisqu'elle chercherait et recevrait à l'heure même sa récompense. Tandis que, dans la nouvelle loi, par une grâce du Sauveur bien plus grande et bien plus admirable, la peine du péché est devenue un sujet de mérite. Autrefois il était dit à l'homme, « Vous mourrez, si vous péchez », aujourd'hui il est dit au martyr, « Mourrez, pour ne pécher point ». Dieu disait aux premiers hommes, « Si vous désobéissez, vous mourrez. » Genèse 2, 17. Il nous dit présentement, « Si vous fuyez la mort, vous désobéirez. » Ce qu'il fallait craindre autrefois, afin de ne pécher point, est ce qu'il faut maintenant souffrir, de crainte de pécher. Et de la sorte, par la miséricorde ineffable de Dieu, la peine du crime devient l'instrument de la vertu, Ce qui faisait le supplice du pécheur fait le mérite du juste, et la mort qui a été la peine du péché est désormais l'accomplissement de la justice. Mais il n'en est ainsi que pour les martyrs à qui leurs persécuteurs donnent le choix ou de renoncer à la foi, ou de souffrir la mort, car les justes aiment mieux souffrir, en croyant, ce que les premiers prévaricateurs ont souffert pour n'avoir pas cru. Si ceux-ci n'avaient point péché, ils ne seraient pas morts, et les martyrs pêchent, s'ils ne meurent. Les uns sont donc morts parce qu'ils ont péché, les autres ne pêchent point parce qu'ils meurent. La faute des premiers a amené la peine, et la peine des seconds prévient la faute, non que la mort, qui était un mal, soit devenue un bien, mais Dieu a fait à la fois une telle grâce que la mort, qui est le contraire de la vie, devient l'instrument de la vie même. Chapitre 5. Comme les méchants usent mal de la loi qui est bonne, ainsi les bons usent bien de la mort qui est mauvaise. L'apôtre, voulant faire éclater toute la puissance malfaisante du péché en l'absence de la grâce, n'a pas craint d'appeler force du péché la loi même qui le défend. Le péché, dit-il, est l'aiguillon de la mort, et la loi est la force du péché. 1 Corinthiens 15, 56. Parole parfaitement vraie, car la défense du mal en augmente le désir, si l'on aime tellement la vertu que le plaisir qu'on y trouve surmonte la passion de mal faire. Or, la grâce de Dieu peut seule nous donner l'amour et le goût de la vertu. Mais de peur que l'expression force du péché ne donna à croire que la loi est mauvaise, allusion à l'hérésie des Sardoniens et des Martionites, qui abusaient du mot de saint Paul, l'apôtre dit, dans un autre endroit, sur le même sujet, « Assurément la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Quoi donc, ce qui est bon est-il devenu une mort pour moi ? Non, mais le péché, pour faire paraître sa malice, s'est servi d'un bien pour me donner la mort, de sorte que le pécheur et le péché ont passé toute mesure à cause du commandement même. » Romains 7, 12 et 13. Saint Paul dit que toute mesure a été passée, parce que la prévarication augmente par le progrès de la concupiscence et le mépris de la loi. Pourquoi citons-nous ce texte? Pour faire voir que tout comme la loi n'est pas un mal, quand elle accroît la convoitise de ceux qui pêchent, ainsi la mort n'est point un bien, quand elle augmente la gloire de ceux qui meurent, bien que celle-là soit violée pour l'iniquité et face des prévaricateurs, et que celle-ci soit embrassée pour la vérité et face des martyrs. Ainsi donc la loi est bonne, parce qu'elle est une défense du péché, et la mort est mauvaise, parce qu'elle est la peine du péché. Mais de même que les méchants usent mal, non seulement des mots, mais aussi des biens, de même les bons font également bon usage et des biens et des mots, et voilà pourquoi les méchants usent mal de la loi, qui est un bien, et les bons usent bien de la mort, qui est un mal. Chapitre 6. Du mal de la mort qui rompt la société de l'âme et du corps. La mort n'est donc un bien pour personne, puisque la séparation du corps et de l'âme est un déchirement violent qui révolte la nature et fait gémir la sensibilité, jusqu'au moment où, avec le mutuel embrassement de la chair et de l'âme, cesse toute conscience de la douleur. Quelquefois un seul coup reçu par le corps ou bien l'élan de l'âme interrompt l'agonie et empêche de sentir les angoisses de la dernière heure. Mais quoi qu'il en soit de cette crise où la sensibilité s'éteint dans une sensation de douleur, quand on souffre la mort avec la patience d'un vrai chrétien, tout en restant une peine, elle devient un mérite. Peine de tous ceux qui naissent d'Adam, Elle est un mérite pour ceux qui renaissent de Jésus-Christ, étant endurée pour la foi et pour la justice, et elle peut même en certains cas racheter entièrement du péché, elle qui est le prix du péché. Chapitre 7. De la mort que souffrent pour Jésus-Christ ceux qui n'ont point reçu le baptême. Tous ceux, en effet, qui meurent pour la confession de Jésus-Christ obtiennent, sans avoir reçu le baptême, le pardon de leurs péchés, comme s'ils avaient été baptisés. Il est écrit, à la vérité, que « personne n'entrera dans le royaume des cieux, qu'il ne renaisse de l'eau et du Saint-Esprit » Jean 3:5. Mais l'exception à cette règle est contenue dans ces paroles non moins formelles, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 10:32. Et ailleurs, « Qui perdra sa vie pour moi, la trouvera. » Matthieu 16:25. Voilà pourquoi il est écrit, « Précieuse est devant le Seigneur la mort de ses saints. » Psaume 115:15. Quoi de plus précieux en effet qu'une mort qui efface les péchés et qui accroît les mérites, car il n'y a pas à établir de parité entre ceux qui, ne pouvant différer leur mort, sont baptisés et sortent de cette vie après que tous leurs péchés leur ont été remis, et ceux qui, pouvant s'empêcher de mourir ne l'ont pas fait, parce qu'ils ont mieux aimé perdre la vie en confessant Jésus-Christ, que d'être baptisé après l'avoir renié. Et cependant, alors même qu'ils l'auraient renié par crainte de la mort, ce crime leur eût aussi été remis au baptême, puisque les meurtriers de Jésus-Christ, quand ils ont été baptisés, ont aussi obtenu miséricorde. Voyez les Actes des Apôtres, 2, 36 à 47, où les Juifs, meurtriers de Jésus-Christ, se convertissent par milliers et reçoivent le baptême. Mais combien a dû être puissante la grâce de cet esprit qui souffle où il veut, pour avoir inspiré aux martyrs la force de ne pas renier Jésus-Christ dans un si grand péril de leur vie, avec une si grande espérance de pardon? La mort des saints est donc précieuse, puisque le mérite de celle de Jésus-Christ leur a été si libéralement appliqué, qu'ils n'ont point hésité à lui sacrifier leur vie pour jouir de lui, de sorte que l'antique peine du péché est devenue en eux une source nouvelle et plus abondante de justice. Toutefois ne concluons pas de là que la mort soit un bien en soi. Si elle a été cause d'un si grand bien, ce n'est point par sa propre vertu, mais par le secours de la grâce. Elle était autrefois un objet de crainte, afin que le péché ne fût pas commis. Elle doit être aujourd'hui acceptée avec joie, afin que le péché soit évité, ou s'il a été commis, afin qu'il soit effacé par le martyre, et que la palme de la justice appartienne aux chrétiens victorieux.